Première partie, les fils de la hyène. 1. Tout a commencé lorsque mon lit, pris de démence, s'est mis à faire des bonds à travers la pièce, puis à glisser d'un mur à l'autre, s'émontant de cuivre, creusant des trous ici et là, écornant les meubles. Un cadre s'est détaché, a frôlé ma tempe, pour rebondir sur mon épaule gauche qui l'a entaillée. J'ai repoussé l'édredon et tenté de poser le pied sur le sol. Mais le parquet s'est dérobé sous mes orteils. C'était comme si j'essayais de descendre d'une auto-tamponneuse zigzagant en dépit du bon sens. En réalité, j'affrontais une secousse sismique comme il s'en produit 3 fois par semaine en Californie. Prise de folie, la commode et la table de chevet se poursuivaient au hasard des trémulations. Un craquement sourd a retenti. Une crevasse venait de s'ouvrir au plafond, faisant pleuvoir sur ma tête une averse de plâtre. De tous les coins de la maison me parvenait le vacarme d'objets et de livres, dégringolant des étagères en dépit des bordures de sécurité imposées par la loi. Chaque fois, j'avais l'impression que le séisme ne finirait jamais, alors qu'en réalité, il excédait rarement 2 minutes. 2 minutes interminables, qui, dans un antique bungalow comme le mien, pouvaient occasionner des dommages irréparables. Quand le calme est revenu, je me suis penchée, tâtonnant pour trouver le kit anti-tremblement de terre qui fait partie intégrante de la vie des Angelenos. J'en ai tiré la lampe torche obligatoire et l'ai allumée. Le problème à présent était de ne pas s'entailler la plante des pieds sur les tessons de porcelaine qui jonchaient le plancher. Ce n'était pas cela qui m'inquiétait le plus, et, ayant enfilé mes sandales, je me suis précipité à la fenêtre pour essayer de déterminer si j'allais, d'une seconde à l'autre, être submergé par un raz-de-marée en provenance de la maison voisine. Les piscines ne sont pas rares à Los Angeles. Dès qu'ils disposent d'un bout de jardin, les propriétaires s'empressent de creuser un bassin. Celui qui ne dispose pas d'une piscine risque fort de voir son statut social dévalué. Voilà un fait avéré. L'ennui, voyez-vous, c'est que lors d'une secousse sismique, une piscine peut se disloquer, le bassin se rompre, libérant des milliers de litres d'eau qui dévalent la pente avec la puissance d'une cataracte. Or, dans le cas présent, la piscine de mon voisin le plus proche se situait au sommet de la colline, 30 mètres au-dessus de mon petit bungalow qui ne comptait qu'un unique rez-de-chaussée. En cas d'inondation, ma baraque serait balayée, emportée par le flot comme une niche à chien. J'avais déjà constaté une humidité anormale du terrain entourant ma maison. J'en avais déduit que la maçonnerie de la piscine susdite avait été crevassée lors des précédentes secousses et qu'elle fuyait. J'en avais averti le propriétaire, un certain Edgar McCullen, mais il n'avait rien voulu savoir et m'avait rabroué grossièrement. C'était un bonhomme aigri, un ancien ingénieur licencié à cause des mesures anti-pollution prises par la cité dans les années 90. Mesures qui avaient eu pour conséquence de provoquer la délocalisation de multiples usines et entreprises et tout autant de licenciements. McCullen avait fait partie de la première charrette et n'avait jamais retrouvé de travail. Depuis, il vouait une haine pathologique aux écofrics, autrement dit aux cinglés de l'écologie. Il croyait en voir partout et les accusait d'être à l'origine du déclin industriel de l'Amérique. Il avait donc mal accueilli mes remarques et d'emblée classé dans le clan de ses ennemis. « Je suis ingénieur », m'avait-il hurlé aux oreilles. « Je sais construire une piscine, je m'y connais en dynamique des fluides. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier, espèce de hippie. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'un excès d'humidité fasse crever vos plants de haschich ?» Je n'avais pas jugé utile de lui rappeler que la race des hippies était éteinte avant ma naissance, car je le soupçonnais de conserver un riot gun à portée de la main. Néanmoins, la boue qui encerclait ma maison m'inquiétait. Je n'aimais pas le bruit spongieux produit par mes semelles. C'était carrément inhabituel dans une contrée où le sol évoque davantage la poussière du désert que l'humus. Prudente, j'ai fourré dans un sac à dos tout ce dont j'aurais besoin en cas d'évacuation précipitée. Puis j'ai regagné ma chambre et je me suis étendue sur mon lit, après avoir allumé la petite radio à pile qu'on nous conseille de conserver à portée de la main en cas de catastrophe naturelle. Quelqu'un du Caltech Earthquake Center de Pasadena débitait d'un ton lénifiant les habituels conseils de sécurité et précisait qu'il fallait s'attendre à une autre secousse dans les prochaines heures. J'ai fini par m'assoupir, mal m'en a pris. Un choc suivi d'un bruit énorme m'a réveillé en sursaut, mais il était trop tard. J'ai juste eu le temps de voir que la crevasse zébrant le mur ouest de ma chambre se dilatait. Un quart de seconde après, la cloison volait en éclats sous la poussée d'une trombe d'eau qui a soulevé mon lit et m'a plaqué au sol. Cette fois, ça y était. La foutue piscine de McCullen avait cédé. Le lit m'est retombé dessus, m'emprisonnant sous le sommier et le matelas trempé. Énorme éponge dont le poids se décuplait à la vitesse grand V. La situation aurait pu virer au grotesque si la pièce n'avait entrepris de se remplir à la façon d'un gigantesque aquarium. Aquarium où je risquais à brève échéance de finir noyé. J'ai essayé de ne pas céder à la panique. Hélas, la surprise ne m'avait pas laissé le temps de remplir mes poumons, si bien que mon autonomie d'apnée était des plus réduites. Le matelas, tel un mollusque géant, me maintenait collé au plancher. Pour couronner le tout, je n'y voyais rien. Rassemblant mes forces, je me suis efforcée de ramper pour échapper à la cage du lit de cuivre. La chambre était déjà remplie jusqu'à mi-hauteur, et si je ne réussissais pas très vite à me redresser, l'eau s'engouffrerait dans mes poumons à la première suffocation. Il est bien connu qu'on peut se noyer dans 30 cm de liquide. Plus d'un malheureux en a fait l'expérience. L'hypoxie faisait bourdonner le sang à mes tempes, tandis que des points lumineux folâtraient sur ma rétine en un feu d'artifice annonciateur de syncope. Après m'être râpé la peau du ventre sur les ressorts du sommier, je suis parvenue à m'agenouiller. Il était temps. Mon menton effleurait la surface. D'une détente des cuisses, je me suis mise debout. L'eau commençait à s'évacuer par la fenêtre qui avait explosé sous la pression. Inutile de préciser que les pièces attenantes avaient été ravagées. Vêtements et livres flottaient sur la mare boueuse qui était devenue la maison. Par chance, mon sac à dos faisait partie du lot. Je l'ai empoigné par ses lanières et enjambé le rebord de la fenêtre. J'ai enfoncé dans la boue jusqu'aux chevilles et failli m'étaler. Au loin, quelque part dans les collines, des coyotes hurlaient, terrorisés, ajoutant au chaos général. Le halo d'une forte lampe m'a alors enveloppé. « Par ici !» a hurlé une voix juvénile. J'ai identifié Wilbur, un autre de mes voisins, un gars d'une vingtaine d'années qui s'autoproclamait surfeur professionnel et qui, soucieux de respecter la mythologie de Venice Beach, se faisait un devoir de consommer de la weed sous toutes ses formes. À mon avis, cette pratique assidue avait rabaissé son QI au niveau de celui de la boîte en carton. Mais c'était son problème. Par ici, a-t-il répété de sa voix perpétuellement ensommeillée. J'ai saisi sa main tendue. Pour l'occasion, il avait enfilé son t-shirt préféré, celui qui arborait l'inscription « California Free Island Soon ». Il se définissait en effet comme un ardent partisan du Big One, ce séisme définitif qui, partant de la faille de Sant'Andrea, doit, tôt ou tard, détacher la côte californienne du reste du continent et faire d'elle une île. Wilbur attendait ce jour avec impatience car il avait la conviction que cette nouvelle Californie serait un paradis libertaire, une utopie anarchique où chacun vivrait selon son bon plaisir. Un soir où il était particulièrement défoncé, il m'avait confié sous le sceau du secret qu'avec les gars de sa bande, il se rendait dans le désert pour bourrer les crevasses de dynamite. Il faisait ensuite péter ses explosifs, dans l'espoir que l'onde de choc se propage en sous-terre, attrait la survenue du Big One. Le plus difficile après, avait-il conclu, c'est de se tirer avant que les Rangers ne débarquent. C'était l'un de ces marginaux qui ne sont jamais devenus adultes et font le charme de Venise. Naufragé éternel arpentant le quai de gare de l'enfance, il regarde passer le train du réel sans jamais se décider à y grimper. Je l'aimais bien. Après m'avoir extirpé de la boue, il m'a enveloppé dans une couverture qui puait le vieux chien. T'as vu? A-t-il triomphé. C'était super, non? La méga grosse vib, hein? Une crevasse s'est ouverte en travers de la route. Les bagnoles peuvent plus passer. C'est pour bientôt, Sista. C'est pour bientôt. Je l'ai suivi dans la cahute qu'il occupait en contrebas avec ses potes surfeurs. Des dizaines de planches de couleurs vives s'alignaient au long de la palissade mitée. Les mecs, trop occupés à téter leur bong, n'avaient même pas eu conscience de la secousse. J'aurais pu me trémousser nu sous leur nez sans allumer la moindre étincelle dans leurs yeux. Cela m'a fait soudain prendre conscience que je commençais à en avoir assez du royaume de déliquescence qu'était devenu ce coin de Vénice. Au même instant, le cellulaire enfermé dans la poche étanche de mon sac à dos s'est mis à sonner. Je l'ai saisi. Le cadran indiquait « Devereaux is calling ». C'était mon patron. C'était l'agence 13. Cela tombait à pic. Il était grand temps que je retourne à la vie réelle. « Il y a du boulot pour vous » a grincé mon supérieur hiérarchique dans le haut-parleur. « Vous avez entendu parler de Savannah Warlock, la romancière ?»« Non, vous êtes trop jeune. On l'a considérée comme l'une des reines du roman policier dans les années 70. »« Bon, on s'en bat les couilles au demeurant. Son éditeur va vous appeler incessamment. Ne le rembarrez pas, il y a un gros chèque à la clé. » Il a raccroché sans me laisser le temps de proférer un mot. Nous ne nous aimions guère. S'il avait pu me virer, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais voilà, l'agence appartenant à mon père, Devereaux n'était somme toute qu'un subalterne. Enveloppé dans ma couverture, j'ai attendu l'aube en buvant le café brûlant dont Wilbur ne cessait de remplir ma tasse. Les ululements des voitures de police, des ambulances et des camions de pompiers tissaient un fond sonore rendant toute conversation impossible. D'ailleurs, Wilbur se satisfaisait fort bien du soliloque dans lequel il s'était lancé depuis mon arrivée dans la cahute des surfeurs. Je ne lui prêtais qu'une oreille distraite. Il parlait du Big One.